mettre la mort. Marteau et enclume, entre les barreaux et le bitume. Guy, sur nous le sort sa charme. Morsi est mon âme, assure et assume. Ainsi soit-il distil, maintiennent les distances. Si l'on soit ainsi, que le blanc et noir se distinguent. Eux se distinguent, wow. Les flics flinguent. Les vents poussent à faire la brague, moi dans mon coin je me branle. Ainsi me souhaitent-ils, trop d'infamie. Dites leur famille, et dans mon dôme près de fumier. Nègre affamé, corrompu, avili. Demandeur d'asile, le peuple d'Afrique est affamé. Que les larmes coulent sur les juifs oppresseurs. Dernier hommage à tous nos prédécesseurs. À l'oppresseur, à la pression, à la presse, ouais. Ainsi soit-il, Seigneur, sois une offre. Ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. La vie est ainsi faite, soit tu décides, soit tu sais. Le fond qui sait, pour noirci par mes actes serviles. Le passé noirci ses pages, ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. La vie est ainsi faite, soit tu décides, soit tu sais. Le fond qui sait, pour noirci par mes actes serviles. Le passé noirci ses pages, ainsi soit-il. Mal pour mes frères corrompus par l'esclavage. Âme noircie tout comme le teint de mon visage. À qui se vouer dans ce monde à deux visages. Ainsi soit-il, Dieu me garde des mauvais présages. Ma tristesse n'a pas d'égal et mon sourire est un simulacre. Depuis que nos précieuses images n'attendent plus miracle. J'ai les yeux sombres, noirci par l'amertume. Mes yeux ne voient rien mais mon cœur ressent et me perturbe. Je me sens mal dans ma peau comme un lâche. Parfois ma vie ne tient qu'à un fil et ça lâche. Ma foi, j'ai dû faire trop de prières pour que mon fils et Dieu le père. Je suis criblé de pierre comme mon le Christ. Mais qu'est-ce que les hommes font pour que dans la forme et le fond on s'associe le mal de leur agissement. Malgré l'avertissement, j'ai beau essayer de me répentir, j'y reviens doucement. Et merde, je suis qu'un simple putain d'homme qui remplit des chapitres. Et j'en suis un plus d'atomes. C'est dur à dire, mais j'ai déjà versé trop de larmes pour mon passé. Ainsi, ainsi soit-il, au sexe dollar dédicacé. Ainsi soit-il, en soit ainsi. La vie est ainsi faite, soit tu décides, soit tu sais. Mais au fond qui sait, pour me noircir par mes actes serviles. Le passé noirci c'est pas. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, en soit ainsi. La vie est ainsi faite, soit tu décides, soit tu sais. Mais au fond qui sait, pour me noircir par mes actes serviles. Le passé noirci c'est pas. Ainsi soit-il. Éternel créateur, roi des rois. Même quand je m'égare, ne t'éloigne pas de moi. Vois-tu comme ici bas je suis froid. De mon sort tu m'as fait roi, mais par ma faute je broie du noir. Ainsi t'entraîne dans mes yeux, oui mes aïeux. Aïe comme Aïssa, c'est lieu. J'ai pas choisi très crié Hosanna, Hosaïen, mais Hosaïr, mes alliés cisaille. Ma mère, que d'espoir, quelle déception de le voir. Un fils qu'on ne reconnaît plus. Vert jaune, pour l'or et les billets, pour le râle rouge, courage pour récupérer nos billets. Des myriades comme moi au mitard, le bled comateux attend toujours nos milliards. Nos milliards. Père au cimetière, frère sur civière, trop de tâches sur une vie, faut lessiver. Maman, t'as seul un rôle de coupe, double pleur, double peur, donc beaucoup doute. Vengeance, un putain de plat, j'ai des glaciers, assez offensif, assistera, assez soit-il. Qu'il en soit ainsi. La vie est ainsi faite, soit tu décides, soit tu au fond qui sait. Pour moi, si par mes actes serviles, le passé noirci ses pages, ainsi soit.